Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous poursuivons l'émission avec Marie-Claude Dionne qui nous entraîne aujourd'hui dans l'évolution de la pensée humaine telle qu'on peut l'envisager à partir des signes laissés par les hommes préhistoriques. Bonjour Marie-Claude. Bonjour François. Alors ce soir, je me lance dans une recension littéraire un peu loin de mon créneau habituel, direz-vous, mais c'est que l'ouvrage en question parle d'un sujet qui est assez intéressant, qui m'interpelle énormément, c'est la préhistoire. Je me suis donc lancée dans la lecture quand même assez difficile de l'ouvrage d'Alain Mesdames qui s'intitule « L'aube des signes, préhistoire et naissance de l'homme ». Ce livre est paru assez récemment, c'est au mois d'août de cette année, et il est chez les éditions Libère. Et je me suis demandé qui est l'auteur Alain Mesdames, et c'est un directeur de recherche au CNRS. Il est sociologue de formation et il s'est beaucoup intéressé dans le passé à la sociologie urbaine. Cela dit, sur quelle problématique l'auteur Alain Mesdames s'attarde-t-il dans son livre? Alors, à sa plus simple expression, puis toi et Valérie en a parlé, c'est un livre qui explore les différents signes que l'homme préhistorique a laissés derrière lui. Mm-hmm. Et si on veut peut-être complexifier un peu la chose de ces signes-là, on comprendra que je ne parle pas seulement d'artefacts. Parce que oui, il s'agit de vestiges qui ont été laissés derrière. Ça, c'est des marques du passage de l'homme qui ont été confectionnées, fabriquées et pensées par lui. Mais Mesdames va un peu plus loin dans son processus de pensée et il note que ces nombreux signes-là sont d'autant de preuves de la complexification de l'homme. L'homme préhistorique lui-même. Et en d'autres mots, ces signes, qu'ils soient la bipédie, les outils, les armes ou même l'art pariétal pour en nommer que quelques-uns, sont des traces aujourd'hui de l'évolution de l'homme, de sa naissance, mais surtout de la naissance de la pensée humaine. Ça semble un peu ardu de prime abord, peut-être même philosophique. Est-ce que ce livre se lit bien? Est-ce qu'il est accessible à tous aussi? Vraisemblablement, là, je vous dirais quand même oui, sans dire que c'est un livre là très très grand public. Hein, ça reste un livre très philosophique, donc c'est sûr que si on est intéressé par le processus en tant que tel, le processus d'hominisation, donc de l'évolution de quelques primates en humains, on va y trouver son compte. Mais donc c'est encore, ce n'est pas un c'est une lecture philosophique, donc faut pas penser à un livre d'archéologie ou d'anthropologie avec des images. Hein, c'est purement de l'écriture. D'accord. Mais Mesdames nous propose une nouvelle compréhension de l'histoire de ces pré-humains, si on veut. Et c'est que souvent la littérature va approcher l'art pariétal et tous les signes de l'homme préhistorique d'une manière où il est regardé comme un puzzle en soi. Mais ici, les signes, le signe en tant que tel, en fait partie d'un grand casse-tête. C'est un morceau parmi tant d'autres qui permet de comprendre l'élaboration de la complexification de l'homme. Et j'ajouterais qu'on retrouve quand même aussi d'autres traits distinctifs à cet ouvrage-là. Il y a des éléments pertinents et assez originaux qui vont changer la donne dans la matière. C'est une publication qui met de l'avant aussi une démarche non linéaire. Donc, on ne fait pas dans la chronologie pure et dure. En fait, je m'explique un peu, c'est que l'auteur va plutôt aborder dans sa problématique différentes thématiques qui permettent de comprendre l'hominisation en soi comme étant un enchevêtrement et non pas une évolution en ligne droite, pure et simple. Et aussi, on va y dépeindre du mieux que l'on peut avec les dernières données qu'on a dans les recherches anthropologiques et archéologiques, le contexte de cette évolution-là humaine. Et on tombe jamais dans la caricature ou même dans l'exagération. C'est très bien fait. Et on offre alors tous les éléments possibles, si on veut, pour que le lecteur prenne entièrement conscience de la complexité. Et là, c'est un mot vraiment que j'utilise beaucoup, mais c'est le seul que j'ai pu trouver. La complexité de la naissance de la pensée humaine. Et je vous dirais que c'est quand même une très bonne immersion dans les temps préhistoriques que des fois, on connaît un peu moins bien. Et comment, Mesdames, contemple-t-il l'avènement de la pensée? Il propose qu'elle s'est développée par l'entremise d'une série d'arrachements. On aurait très bien pu dire le mot déracinement aussi. Okay. Alors l'homme, avant même qu'il soit l'homme avec le grand H, a eu à s'arracher, si on veut, de différents contextes, différents états et des lieux qui sont a priori naturels, voire même animaux, mais qui ont tout un chacun poussé l'homme préhistorique à changer, à se dépasser, à s'adapter aussi. Et un premier grand événement, si on pense rapidement, c'est la bipédie qui a été un arrachement pour l'homme préhistorique. En fait, c'est que elle a permis à l'homme ou plutôt à une certaine lignée de primates de se libérer les mains et de les vouer à d'autres choses. Hein. On a pu faire d'autres occupations comme le maniement des armes et des outils et éventuellement aussi à la confection même, à la fabrication de ces mêmes objets. Donc, ça va donner lieu au cerveau à changer. Et donc, il a quelque chose de nouveau à faire, il va penser. Et c'est ce genre d'arrachement-là qui va permettre à l'homme préhistorique de développer un processus de réflexion. Alain, mesdames, rend donc intelligible un processus qui, au fond, n'a laissé que très peu de traces. Oui, tout à fait, parce que l'archéologie, oui, a quelques vestiges archéologiques, si on veut, de ces temps-là, de la genèse de la pensée humaine. En fait, pour quelques exemples, la bipédie est avérée par les études anthropologiques depuis très longtemps. La conception des outils et des armes est en partie manifeste par quelques exemplaires qu'on a retrouvés de bifaces ou de bolas. Et l'élaboration de la figuration dans les grottes est attestée depuis longtemps aussi, plusieurs décennies, voire des centaines d'années. Et bon, quoi qu'elle reste peut-être toujours un peu incomprise aujourd'hui, mais il nous manque encore beaucoup d'autres choses, comme la prémisse de la langue ou du chant. La création des mythes et des légendes aussi, on n'a aucune idée comment elles ont pu éclore dans l'esprit. On a difficilement une idée de la cohésion sociale aussi, et il y a plusieurs autres éléments que je passe. Mais mesdames, va prendre chacun de ces événements-là pour les insérer au sein de leur conception même, dans le cerveau de l'homme préhistorique. Ils tentent de donner un sens à des signes qui, aujourd'hui, oui, sont dénués de leur sens original. Mais l'intention définitive de l'auteur n'est pas de comprendre le sens en tant que tel, disons des bisons qui ont été peints sur les grottes en France au paléolithique supérieur, mais bien de souligner la beauté et la complexité de la pensée humaine qui se cache derrière chacun de ces signes-là. Et après la lecture de cet ouvrage, Marie-Claude, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Qu'est-ce qu'on doit en retenir? Mais sans l'ombre d'un doute, je dirais que la complexité de l'homme, autant l'homme d'aujourd'hui que celui de la préhistoire, est très manifeste parce que on est aujourd'hui en fait le fruit des efforts conscients ou inconscients de ces hommes préhistoriques-là qui se sont développés au fil de temps immémoriaux, voilà très très longtemps. Et mesdames le démontrent assez bien. On a après tout un sentiment assez fort, un lien émotionnel qui est indéniable mais peut-être insaisissable envers nos ancêtres. Pourquoi on est si entiché de l'art pariétal, même si on n'a aucune idée à quoi ils ont pu réellement servir? Mais c'est un lien que mesdames notent qui est existentiel, voire même sensoriel, mais qui maintient aujourd'hui un genre de compréhension, même si elle est très mince, sur ce qu'a pu être nos ancêtres dans le passé. Et on se retrouve à avoir une collection de signes que ces hommes-là nous ont laissés derrière et qui fait partie aujourd'hui de notre patrimoine collectif humain. C'est un livre qui mérite vraiment d'être lu. Il est tout petit en plus, en quelques pages. Ah oui. Donc, il est facile à transporter dans des transports en commun, aller au parc. C'est vraiment extraordinaire. Et donc, il mérite d'être lu parce qu'il apporte cette nouvelle perspective-là, à mon sens, que j'avais jamais pu voir dans d'autres lectures sur les mêmes sujets. C'est une explication de la constitution de la pensée humaine par une série de déchirements et nouvelles, bien sûr. Mais elle est aussi très originale. Puis elle reste très bien fondée dans l'approche qu'en fait mesdames. Et le plus intéressant, c'est de comprendre ce processus-là tel qu'il est expliqué par l'auteur, par l'intermédiaire, entre autres, de l'art rupestre et pariétal, qui est un signe, en fait deux signes, si on veut, de l'hominisation qu'on connaît depuis très longtemps, mais qui est ici mis dans l'ouvrage de mesdames sous un jour d'une nouvelle manière. Et je retiens ici que l'auteur a démystifié l'homme préhistorique en le complexifiant et surtout en complexifiant sa nature et son évolution cognitive pour montrer toute l'importance, tout l'exploit et la grandeur de l'invention des signes de l'homme préhistorique. Et j'imagine que c'est un livre qu'on peut se procurer dans toutes les librairies. Toutes les librairies, tout à fait, de la ville de Québec. C'est un livre à lire, définitivement. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. On va faire une petite pause musicale sur CKRL au 89.1. Et au retour, on parle des migrants climatiques avec Mélanie Jean.